les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1987, Marie-Christine Navarro proposait pour l'émission Une vie, une œuvre, un portrait de Franz Kafka. Edward Goldstücker, Ivo Fleischmann, Marthe Robert et Joël Ashkenazy y tiraient les différents fils reliant la vie et l'œuvre de l'écrivain né en 1883 et mort en 1924. Son rapport à Prague, ville qu'il vit naître et dans laquelle il passa la majeure partie de son existence, sa place dans la famille, en particulier sa relation à son père, son lien à la langue allemande, au judaïsme ou encore aux idéologies de son temps. Autant de thématiques à envisager non comme une explication de l'œuvre, mais plutôt comme un éclairage, non suffisant, mais essentiel. Franz Kafka, L'assaut immobile, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 mars 1987. Je m'égare. Le vrai chemin passe par une corde qui n'est pas tendue en l'air, mais presque au ras du sol. Elle paraît plus destinée à faire trébucher qu'à être parcourue. Franz Kafka, 1883-1924. En 1956, après ma libération de prison, Edward Goldstücker, je suis retourné à l'université comme professeur de la littérature allemande et je considérais comme la tâche la plus importante pour les germanistes tchécoslovaques de s'occuper de la littérature allemande créée en Prague, en Tchécoslovaquie. C'est-à-dire, en premier lieu, Franz Kafka. À ce temps-là, Franz Kafka était une non-person dans la Tchécoslovaquie staliniste, comme l'Empire staliniste tout entier. Et il a été mentionné en public seulement en connexion avec des adjectifs péjoratifs. Et c'est pourquoi j'ai proposé d'inviter des auteurs qui écrivaient sur Kafka et étaient marxistes, des auteurs marxistes, parce que je voulais qu'on discute si les accusations de la part du soi-disant marxisme soviétique, staliniste, que Kafka est une influence nocive pour la jeune génération, que Kafka est un décadent bourgeois, si c'est vrai. Et c'était le vrai thème du congrès de Lipnice de 63. La conclusion du congrès était que ces accusations sont fausses et qu'il n'y a pas de raison pour ne pas donner la possibilité aux œuvres de Kafka d'être traduites et publiées en Tchécoslovaquie et dans les autres pays du bloc soviétique. Kafka est un écrivain de l'invisible. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui trouve, selon son expérience et selon son étude méticuleuse, selon sa façon de l'arpenteur, d'étudier chaque grain du terrain, qui a toujours la nécessité passionnelle de découvrir au-dessous du monde tactile, sensible, de découvrir une autre qualité qui est invisible, l'autre visage. « Oui, il faut commencer par dire, je crois, ce qu'il était, ou plutôt ce qu'il n'arrivait pas à être, ou ce qu'il ne savait pas être. La lettre ne s'oppose pas à ma proposition. Au contraire, puisque tu dis, nejraději bych utekla třetí cestou, která nevede ani k tobě, ani s ním, někam do samoty. Franz Kafka, Lasso immobile. Nejraději bych utekla třetí cestou, která nevede ani k tobě, ani s ním, někam do samoty. Quelqu'un comme Kafka ne pouvait pas venir de notre milieu que du milieu de l'Autriche-Hongrie et spécialement de la ville qui était le centre des contradictions nationales à ce temps-là, très aiguës, entre Tchèques et Allemands. Et les Juifs étaient au milieu. Vous savez, en ce qui concerne Kafka, Kafka vivait dans une époque différente de la nôtre, de la mienne comme de la vôtre, surtout. Ivo Fleischmann. Kafka, essentiellement, est un auteur de Bohême, de Prague, mais à l'époque de l'Empire austro-hongrois, où la situation était très différente de celle d'après 1918. Et la formation de Kafka s'était faite fin de siècle et au début du siècle. C'est-à-dire la République tchécoslovaque est créée en 1918 et c'était les quelques dernières années de la vie de Kafka qu'il a vécu partiellement dans cette nouvelle République tchécoslovaque. Mais il est difficilement acceptable de penser que c'était un écrivain tchécoslovaque. Non, c'était un écrivain du royaume de Bohême. Il était écrivain de langue allemande, et ça s'était expliqué surtout pour des raisons d'ordre social. À l'époque de Kafka, et encore plus tard, même pendant dans ma jeunesse, la distinction entre les habitants de la Bohème, y compris entre les habitants vivant à Prague, la différence était linguistique. Ou bien on parlait tchèque, ou bien on parlait allemand. C'était seulement en second degré qu'on pensait à cette situation si quelqu'un est juif ou slave ou germanique. Non, la frontière était linguistique. À l'époque de Kafka, bien qu'il était d'une famille bilingue, le vieux Kafka Herzmann était un juif tchèque, la mère était de langue allemande. Mais pour des raisons sociales, on l'envoyait dans des écoles allemandes, puisque la vie était facile pour ceux qui avaient une instruction allemande dans cet empire austro-hongrois, où les Tchèques, bien qu'ils étaient très majoritaires dans Prague et en Bohême, étaient politiquement une nationalité, enfin, de second ordre, politiquement. Maintenant, Pragois, Franz. Et il se mouvait essentiellement dans des milieux de langue allemande. Ses relations avec l'élément tchèque étaient, intellectuellement parlant, assez faibles. Évidemment, à la maison, on parlait les deux langues. Dans la rue, il entendait le tchèque. La bonne qui s'occupait de lui quand il était gosse était tchèque. Cette école qu'il fréquentait, enfin, l'école primaire était allemande, et le lycée qu'il fréquentait, le gymnasium, était également allemand. Il y a eu deux lycées allemands, à ma connaissance, à Prague, importants, celui que fréquentait Franz, et l'autre qui était situé dans la nouvelle ville, dans la rue Stepanska. Ergeben dem Herrn, aber mit einem bösen Seitenblick auf K., musste nun doch im Pelz heruntersteigen und begann sehr zögernd. Aber von K. eine Sinnesänderung, die Pferde mit dem Schlitten rückwärts näher zum Seitenflügel zurückzuführen, in welchem offenbar hinter einem großen Tor der Stall mit dem Wagenschuppen untergebracht war. Toute cette enfance, toute cette première jeunesse se passe sur quelques hectares de la ville de Prague, c'est-à-dire c'est la vieille ville, et ce sont les environs de la place de la vieille ville, cette énorme place historique, n'est-ce pas? Puis cette famille, elle changeait souvent de domicile, mais tous ces déménagements se passaient dans la vieille ville, autour de la place de la vieille ville. C'est-à-dire, ils recherchaient un appartement plus commode, etc. Et la famille également, au fur et à mesure, devenait plus aisée, puisque le père avait des succès commerciaux. Eh bien, ils cherchaient à mieux se loger. Mais tout ça, c'était dans un endroit assez restreint. Et qu'est-ce que vous avez de particulier, la vieille ville, précisément, La vieille ville de Prague est une partie de Prague chargée d'histoire, d'histoire des Tchèques et évidemment également de l'histoire de la minorité juive dans Prague, puisque dans la vieille ville, à l'époque, pas quand Kafka vivait, mais avant sa naissance, pendant des siècles, se trouvait le ghetto de Prague. C'était l'endroit où les Juifs étaient forcés d'habiter et de ne pas en sortir. C'est-à-dire, c'est chargé d'histoire et c'est chargé également de mythes, de légendes et de choses extrêmement détaillées de la vie séculaire pragoise. Par exemple, ce qui a dû lui traverser souvent par l'esprit, ce sont les vieilles légendes juives dans Prague. À quelques pas du lieu où il vivait, où il habitait, par exemple, se trouvent les vieilles synagogues pragoises, surtout la vieille synagogue, vieille neuve, qu'on appelait, avec toute l'histoire, toute la très chargée du kabbalisme pragois, avec une des légendes les plus connues à travers le monde, l'histoire du golem et du Rabbi Lev, n'est-ce pas, qui a créé ce robot, ce mécanisme. Ceci, il le savait certainement. Et puis, évidemment, c'est chargé également par tous les détails de l'histoire pragoise tchèque. Et il les connaissait aussi. Zapplen die Geschirr, der Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, die Atmen, die Wogen, il y avait cette vieille ville. Il traversait, quand il allait en classe, il traversait cette étendue, n'est-ce pas? Cette étendue qui est très différente qu'après la création de la Tchécoslovaquie. Par exemple, cette énorme statue de Jan Hus, qui est la figure élémentaire de la culture tchèque, ne s'y trouvait pas à l'époque. À l'époque, à la place, un peu à côté du monument actuel, il y avait une statue érigée à la Sainte Vierge. Et puis il traversait la ruelle très étroite, jouxtant la vieille église de Thein, selon les Allemands, pour aller à une petite place qui s'appelle la place des étals de viande, Masne Krami. On y vendait, on y dépiaissait, on y vendait de la viande. Et puis, naturellement, quand le père a élargi son activité commerciale, il s'est installé directement sur la place de la vieille ville, dans l'ancien palais Kinsky. Kinsky, c'est une ancienne famille aristocratique tchèque. Et au rez-de-chaussée de ce palais, où dès nos jours se trouve une section de la Galerie nationale, mais au rez-de-chaussée de cette maison, il y avait le grand magasin de choses variées de Hermann Kafka, avec l'emblème du chouka, Kafka. En tchèque, c'est chouka, l'oiseau. Et bien, il vivait directement là, en cet endroit historique. Dans mon tas de terre, naturellement, je peux tout rêver, je peux même rêver une entente, bien que je sache parfaitement que cela ne puisse pas exister et que dès l'instant où nous nous verrons, que dis-je, où nous nous sentirons à proximité l'un de l'autre, nous sortirons griffes et dents avec un nouvel appétit, même si nous sommes repus tous les deux au même moment, pas une seconde plus tôt, pas une seconde plus tard, avec une égale folie. Et comme toujours, à bon droit, qui ne modifierait ses plans de voyage et d'avenir, même s'il est en pleine route en présence de mon terrier? Mais peut-être la bête creuse-t-elle le sien. Alors, il ne saurait même pas être question d'aller rêver une entente, même s'il s'agit d'un animal si singulier que son terrier puisse supporter un voisinage. Mon terrier, à moi, n'en admet aucun. Tout au moins aucun qui s'entende avec un autre. Pour le moment, évidemment, la bête semble être très loin. Si elle se retirait encore un petit peu plus, je pense que le bruit disparaîtrait aussi, et peut-être tout s'arrangerait-il encore, comme dans l'ancien temps. Je n'aurais fait qu'une expérience pénible, mais bienfaisante. Elle me pousserait à opérer les plus diverses modifications. Dès que j'aurai un peu de repos et que le danger me pressera de moins près, je serai capable de toutes sortes de grands ouvrages. Peut-être, étant donné les formidables possibilités que lui accorde sa puissance de travail, la bête renoncera-t-elle à étendre son terrier dans la direction du mien et se dédommagera-t-elle ailleurs? Là non plus, naturellement, ce ne sera pas par des négociations qu'on obtiendra un résultat. Il faudra que l'animal comprenne de lui-même ou que je lui impose ma volonté. Dans les deux cas, il est très important de savoir s'il connaît mon existence et ce qu'il en connaît. Plus j'y réfléchis, plus il me semble invraisemblable qu'il m'ait entendu. Il est possible, bien que je trouve personnellement la chose inconcevable, qu'il ait eu, je ne sais comment, de vagues renseignements sur moi, mais il ne m'a sûrement pas entendu. Tant que je n'ai rien su de lui, il n'a jamais pu m'entendre car je restais silencieux. Il n'y a rien de plus silencieux que la scène de mon retour au terrier, quand nous nous retrouvons après une longue absence Et ensuite, quand j'ai fait les fouilles pour mes recherches, il aurait fort bien pu m'entendre, bien que ma façon de forer fasse extrêmement peu de bruit. Mais s'il m'avait réellement entendu, je l'aurais nécessairement remarqué. Il aurait dû s'arrêter fréquemment pour épier au cours de sa besogne. Or, il ne s'est pas produit de changement. Maintenant, il quittait la vieille ville, je pense, pas très souvent. Évidemment, quand il était employé après ses études universitaires, les lieux où il travaillait ne se trouvaient plus dans la vieille ville, mais à quelques pas de la vieille ville, quand il travaillait dans cette maison d'assurance Assicurazione Generale. C'est à quelques pas de la vieille ville. Puis il travaillait dans un endroit plus éloigné quand il était dans cette maison d'assurance pour travailler. Là, il habitait un peu plus loin, mais tout ça, c'est des centaines de mètres, pas plus. Il travaillait. Il, puisque, ça on le sait également, était un fonctionnaire très consciencieux, eh bien, il quittait tout ce centre paraguayen pour aller visiter les assurés, les travailleurs assurés, chez eux. Alors là, il allait dans les faubourgs paraguayens. Il allait surtout à Žižkov, qui est un endroit vraiment prolétaire de Prague. Puis, il y avait des escapades très rares. Par exemple, à une certaine époque, il habitait en haut de la colline de Prague, dans les endroits du château de Prague, dans la fameuse ruelle d'or. Et une fois, il a loué pour être seul, puisque ça, c'était, n'est-ce pas, sa hantise, quand il était un peu plus adulte, de vivre seul. Eh bien, il habitait dans la ruelle d'or, très connue, n'est-ce pas, puisqu'au XVIIe siècle, le château de Prague était occupé par l'empereur, par Rodolphe Habsbourg, et qui était un être extraordinairement curieux, qui avait des lubies, il était un peu fantasque, on disait qu'il était à moitié fou, Rodolphe. Et il emmenait dans Prague un tas de gens extraordinairement bizarres de partout, et également il invitait à Prague des alchimistes, des gens qu'il forçait à créer l'or. Et il a construit pour eux une petite ruelle avec des petites maisonnettes où il y avait des fourneaux et où ces alchimistes étaient censés de découvrir la fabrication de l'or. C'est pourquoi ça s'appelle la ruelle d'or. Et dans une de ces petites maisonnettes, naturellement abandonnées par les alchimistes, une fois Kafka établi son logis. C'est à toi, est-il dit, rien qu'à toi. À toi le pitoyable sujet, l'ombre infime que le soleil impérial a fait se terrer à l'autre bout du monde, c'est à toi justement que l'empereur de son lit de mort, l'empereur, a envoyé un message. Il a fait s'agenouiller le messager au chevet de son lit et lui a murmuré le message à l'oreille. Il y attachait tant de prix qu'il a ordonné au messager de le lui répéter à l'oreille. D'un hochement de tête, il a confirmé l'exactitude du message, et devant tous ceux qui assistaient à sa mort, car on a abattu toutes les cloisons qui auraient gêné la vue des spectateurs, et sur les courbes majestueuses des larges perrons montant jusqu'au ciel, les grands de l'Empire se tiennent en cercle. En présence de tous, il a dépêché le messager. Aussitôt, l'homme s'est mis en route, solide, infatigable. Il lance un bras et puis l'autre. Il se fraye un passage au travers de la foule. Au cas de résistance, il montre sur sa poitrine l'insigne du soleil. Aussi avance-t-il plus facilement qu'aucun autre. Mais quelle foule vit dans le palais! Ses logements n'en finissent plus. Ah, s'il avait le champ libre comme il volerait! Et tu ne tarderais pas à entendre le bruit merveilleux de ses poings heurtant à ta porte. Mais au lieu de cela, quels vains efforts que les siens. Il en est toujours à se frayer un passage dans les appartements privés au cœur même du palais. Jamais il n'en sortira. Et quand bien même y parviendrait-il, rien ne serait encore gagné. De haute lutte, il faudrait emporter la descente des escaliers. Et quand bien même y parviendrait-il, rien ne serait encore gagné. Il faudrait franchir les cours et après les cours, un autre palais entourant le premier et encore des escaliers et encore des cours et encore un palais et ainsi de suite de millénaires en millénaires. Et se précipiterait-il enfin hors de l'ultime porte? Mais c'est à jamais impossible, à jamais. Alors la ville impériale commencerait juste à se dresser devant lui, le nombril du monde et regorgeant du dépôt des siècles. Ici, nul ne passe plus, ni surtout le message d'un mort. Mais toi, assis à ta fenêtre, tu rêves sans fin ce message à la tombée du soir. Marthe Robert. Une grande partie des romans, des grandes figures des romans de Kafka sont des transpositions de son propre père, dans le fantastique, n'est-ce pas, dans l'impossible, dans l'incongru, mais tout de même des représentations de son propre père. Le conflit, on le trouve merveilleusement exposé dans la célèbre lettre au père que Kafka a écrit à l'âge de 36 ans. 36 ans, n'est-ce pas? Ce n'était plus un jeune homme, ce n'était donc plus la crise de la puberté, il en existe tant. Non, c'était une grave crise de la maturité pour expliquer à son père les raisons de leur désaccord, ou plus exactement de l'éloignement qui s'était installé entre eux au cours des années et qui s'était sans cesse aggravé. Dans l'exposé de ses griefs, il commence par l'enfance et là, il dessine une figure de son père qu'il nuance, qu'il retouche, n'est-ce pas, ça et là, mais qui, dans l'ensemble, fait de lui une sorte d'ogre, n'est-ce pas, ce qui, évidemment, est très exagéré. Hermann Kafka était simplement un géant, une force de la nature, grand mangeur, grand buveur, et il était probablement humilié d'avoir un garçon, car il n'en avait qu'un. Kafka avait eu deux frères qui étaient morts avant lui, n'est-ce pas? Et il y avait trois filles. Mais le seul garçon de la famille était malingre, grand, mais fluet. Il ne faut pas exagérer d'ailleurs ce caractère fluet, car en fait, Kafka était très sportif. Il avait été très sportif dans sa jeunesse. Mais étant enfant, il formait un contraste absolument incroyable avec ce père qui le dominait de haut et qui voulait lui faire boire de la bière alors qu'il avait horreur de toute boisson alcoolisée, et ça restera toute sa vie, n'est-ce pas, il sera abstinent toute sa vie. Et le contraste entre ces deux êtres est d'abord physique, si vous voulez, et puis moral, bien sûr. L'enfant de 36 ans, n'est-ce pas, qui raconte son enfance, se dit terrorisé constamment par ce père et surtout envahi depuis toujours par un effroyable sentiment de culpabilité. Le père et la mère s'adoraient. Et ça, c'est un trait qu'on retrouve très discrètement marqué dans l'œuvre de Kafka, mais qu'on retrouve partout. Et pas dans les histoires de famille, qui sont nombreuses, le père et la mère sont liés, on pourrait presque dire, contre les enfants. Kafka a ressenti ça certainement très fort dans son enfance. Encore une chose qui a joué un grand rôle dans le conflit entre le père et le fils, c'est que le père, lui, ayant conscience de s'être fait lui-même, à grand-peine, après avoir souffert le martyr dans son enfance, car c'était vraiment une enfance misérable, comme on peut imaginer qu'il y en avait dans ces pays perdus, il était né en Moravie, n'est-ce pas, et traînant une carriole en hiver, à l'aube, sans chaussures aux pieds. Enfin, le père était très, très prodigue de détails, justement, sur cette misère qu'il avait connue dans son enfance. Et il reprochait à ses enfants de ne pas avoir connu la même chose, d'être, au fond, des fils de famille, des enfants gâtés, et de ne pas savoir ce que c'était que souffrir. De mes premières années, je ne me rappelle qu'un incident. Peut-être t'en souvient-il aussi. Une nuit, je ne cessais de pleurnicher en réclamant de l'eau. Non pas assurément parce que j'avais soif, mais en partie pour vous irriter, en partie pour me distraire. De violentes menaces répétées plusieurs fois étant restées sans effet, tu me sortis du lit, me portas sur la pavlatche et m'y laissa un moment seul, en chemise, debout devant la porte fermée. Je ne prétends pas que ce fût une erreur. Peut-être t'était-il impossible alors d'assurer le repos de tes nuits par un autre moyen. Je veux simplement, en le rappelant, caractériser tes méthodes d'éducation et leur effet sur moi. Il est probable que cela a suffi à me rendre obéissant par la suite. Mais intérieurement, cela m'a causé un préjudice. Conformément à ma nature, je n'ai jamais pu établir de relation exacte entre le fait tout naturel pour moi de demander de l'eau sans raison et celui particulièrement terrible d'être porté dehors. Bien des années après, je souffrais encore à la pensée douloureuse que cet homme gigantesque, mon père, l'ultime instance, pouvait presque sans motif me sortir du lit la nuit pour me porter sur la pavlatche, prouvant par là à quel point j'étais nul à ses yeux. En général, on voit le fils se révolter contre une orthodoxie trop stricte et trop contraignante. C'est pas du tout ce qui se passe chez Kafka. Ce qu'il reproche à son père, justement, c'est d'avoir été incapable de lui transmettre un judaïsme vivant. Et Kafka le regrettait, étant lui-même, dans sa jeunesse, en tant qu'adolescent et plus tard, étant lui-même totalement athée, n'est-ce pas ? Ses tendances le portaient vers une espèce de socialisme comme ça, anarchique, plutôt anarchiste, n'est-ce pas? Il lisait avec passion Herzen et un auteur bien oublié aujourd'hui, mais qui à cette époque-là était très important, Kropotkin. Oui, alors là aussi, il y a une espèce de, je dirais, de paradoxe dans l'itinéraire de Kafka, c'est que d'une part, il dit, si j'avais le choix, il dit ça dans une des lettres à Milena, si j'avais eu le choix, j'aurais été un des petits juifs obscurs au fond de la salle, et en même temps, il veut être profondément différent, et en même temps, dans sa vie, oui, il choisit la différence. Oui, mais voyez-vous, il y a eu une évolution, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a eu une évolution. La lettre dont vous parlez date de 1920, et les enfants qu'il a vus, ce sont des petits réfugiés polonais qui ont fui la guerre. C'est même avant 1920 qui ont fui leur pays à cause de la guerre de 14 et qui sont entassés dans le hall d'une gare. Ils passent là et là, ils voient de petits pouilleux, n'est-ce pas, des petits polacs pouilleux absolument, qui ont la morve au nez et qui n'ont probablement pas grand-chose à manger. Kafka voit ça tout d'un coup pour lui, qui souffre à ce moment-là terriblement de son déracinement. C'est un des moments les plus durs de sa vie. Tout d'un coup, ces petits polacs lui apparaissent comme appartenant à un monde malgré tout sauvé, d'une certaine manière. Un monde sauvé, alors que lui est en perdition. Il y avait une nostalgie du judaïsme de l'Est qui n'a cessé de croître au point qu'il s'est cru sioniste. Mais il n'était pas, on ne peut pas dire qu'il était sympathisant, il était abonné aux révolutionnistes, il rêvait d'aller en Palestine, mais bien entendu tout ça n'était pas dans l'ordre de sa vie et ça n'aurait jamais pu se produire à cause justement de la littérature qui était l'axe principal de tout, la chose pour laquelle il vivait, la chose qui était la justification de son existence à ses yeux. Comprenez-vous le fonctionnement ? La herse commence à écrire. Quand elle a fini de couvrir le dos, la couche droite roule et retourne lentement le corps pour offrir une nouvelle place à la herse. Pendant ce temps, les endroits vifs viennent se coller contre l'ouate qui arrête l'hémorragie grâce à sa préparation spéciale et les apprête à recevoir une inscription plus profonde. Les petites dents que vous voyez au bord de la herse décollent l'ouate des plaies à mesure que le corps tourne. Elles expédient cette ouate dans la fosse et la herse peut poursuivre son travail. Elle écrit ainsi 12 heures de plus en plus profondément. Pendant les 6 premières, le condamné vit à peu près autant qu'avant. Il souffre seulement. Au bout de 2 heures, on enlève le feutre car l'homme n'a plus la force de crier. Ici, à la tête du lit, dans cette soucoupe qu'on chauffe électriquement, on met du riz dont l'homme peut prendre, s'il lui plaît, ce qu'il attrape du bout de la langue. Aucun ne laisse échapper l'occasion. Je n'en ai jamais vu un seul qui refusa, et mon expérience est pourtant grande. Ce n'est qu'à la 6e heure qu'il perd de l'envie de manger. À ce moment-là, je m'agenouille en général à cet endroit et j'observe ce qui se passe. L'homme avale rarement la dernière bouchée. Il la retourne simplement dans sa bouche et la crache dans la fosse. Il faut que je me baisse pour ne pas la recevoir sur la figure. Mais comme il devient calme à la 6e heure, l'esprit le plus stupide s'ouvre alors. Cela commence autour des yeux, puis rayonne et s'étend. Un spectacle à vous donner la tentation de vous mettre aussi sous la herse. Il ne se passe d'ailleurs plus rien. L'homme commence seulement à déchiffrer l'inscription. Il avance les lèvres comme si les pieds... Vous avez vu qu'il n'est pas facile de lire cette écriture avec les yeux. Eh bien, l'homme la déchiffre avec ses plaies. C'est un gros travail, certainement. Il lui faut 6 heures pour finir. À ce moment, la herse l'embroche complètement et le jette dans la fosse où il tombe en faisant plouf sur l'ouate et l'eau sanglante. La justice a fini son œuvre. Moi et le soldat, nous enterrons le corps. Ivo Fleischmann. La littérature tchèque, il la connaissait peu. Et il faut dire franchement qu'il s'intéressait assez peu à la culture tchèque. Sa culture littéraire était essentiellement allemande. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que malgré sa méconnaissance de la littérature tchèque, quand vous lisez ses ouvrages, quand vous mettez à côté de ces ouvrages, des ouvrages écrits par des auteurs tchèques, vous recevez un choc provoqué par une similitude indéniable. Comment cela se fait-il? Il y a entre Kafka et les excellents auteurs tchèques des similitudes qui probablement sont provoquées par ce qu'on appelle le génie du lieu, genius loci. Ce que moi, je dis toujours que tout écrivain tchèque qui se respectait et qui se respecte était finalement toujours un dilettante de l'absolu. Cette littérature tchèque, cette philosophie tchèque, cette vie commune tchèque, cette spiritualité tchèque, depuis des siècles, était toujours d'une certaine façon spiritualisée et spiritualiste. C'est une littérature et c'est une culture métaphysicienne. Et Kafka ne fait que ça. Kafka n'a jamais fait que ça. Nul détail, la moindre chose, la moindre banalité n'est vaine. D'où la minutie, c'est ce qu'on appelle le réalisme de Kafka. Et cette extraordinaire piété vis-à-vis de la réalité. Cette fuite eut le malheureux résultat de faire perdre complètement la tête au père qui, jusque-là, était resté relativement maître de lui. Au lieu de courir lui-même après le gérant, ou tout au moins de ne pas entraver Grégoire dans sa poursuite, il empoigna de la main droite la canne que le visiteur avait abandonnée sur une chaise avec son pardessus et son chapeau, saisit de la main gauche un journal qui traînait sur la table et se mit en devoir de taper des pieds tout en agitant le journal et la canne pour repousser Grégoire dans ses quartiers. Nulle prière n'y fit. Nulle d'ailleurs ne fut comprise. Grégoire avait beau tourner vers lui une tête suppliante. Si humble qu'il se montrât, son père n'en prenait note que pour redoubler ses piétinements. Dans la salle à manger, malgré le froid, la mère avait ouvert la fenêtre toute grande, se penchait au dehors le plus loin possible et pressait son visage entre ses mains. Un grand courant d'air balaya l'espace, de la salle à l'escalier. Les rideaux se gonflèrent, les journaux se froissèrent, quelques feuilles vinrent voltiger au-dessus du parquet. Mais le père, impitoyable, traquait son fils en poussant des sifflements de sioux. Et Grégoire, qui n'était pas entraîné à la marche arrière, ne progressait que bien lentement. S'il avait pu se retourner, il aurait eu vite fait de regagner sa chambre, mais il craignait d'impatienter son père par la lenteur de sa conversion et redoutait à tout instant quelque coup, mortel pour sa tête ou son échine, de ce bâton menaçant. Bientôt, le choix ne fut plus possible. Grégoire constata avec épouvante que lorsqu'il marchait en arrière, il n'était pas maître de sa direction, et tout en observant de côté l'attitude de son père, sur lequel il jetait sans cesse un regard angoissé, il commença son mouvement tournant avec toute la vitesse possible, c'est-à-dire, hélas, très lentement. Peut-être le père remarqua-t-il sa bonne volonté, car, au lieu d'entraver la manœuvre, il la dirigea de loin en aidant de temps en temps Grégoire du bout de sa canne. Si seulement il avait voulu cesser ce sifflement insupportable. Kafka sentait pendant sa vie qu'il n'appartenait à rien pleinement, qu'il était un étranger partout, dans sa famille, parmi les autres hommes, allemands parmi les tchèques, juifs parmi les allemands, etc., etc. Quelqu'un qui sentait de soi qu'il n'est pas capable d'appartenir à une communauté humaine quelconque. Seulement une fois dans sa vie, il avait le sentiment qu'il pourrait trouver une voie pour appartenir à une communauté. C'était une soirée en 1911, il était 28 ans d'âge. Où il était présent à une représentation théâtrale d'un petit groupe des acteurs théâtre yiddish à Prague. Et tout d'un coup, il était terriblement surpris par la vague de sentiments qui lui donnait l'illusion « Je pourrais peut-être participer à la... » Quoi, à la conscience ou sous-conscience collective de cette sorte. Et ce sentiment d'étrangeté est le sentiment le plus profond et le plus constant chez Kafka. Voici à peu près ce qu'il en est. J'étais un animal des bois qui ne vivait presque jamais dans la forêt. Je me tairais n'importe où, dans un sale fossé, sale en raison de ma seule présence, naturellement, lorsque je vis au grand soleil la chose la plus merveilleuse que j'eusse jamais aperçue. Je ne songeais plus à rien, je m'oubliais totalement, je me suis levé, je me suis approché, craintif, au sein de cette liberté nouvelle qui me rappelait pourtant l'air natal. Je me suis approché, malgré ma peur, et je suis arrivé jusqu'à toi. Que tu étais bonne. Je me suis couché à tes pieds, comme si j'en avais le droit, et j'ai posé mon visage dans tes mains. Je me suis senti heureux, fier, libre, puissant, chez moi. Tellement chez moi, toujours, toujours tellement chez moi. Mais au fond, je n'étais que la bête, je n'appartenais qu'à la forêt, je ne vivais ici au grand jour que par ta grâce. Sans le savoir, j'avais tout oublié, je lisais mon destin dans tes yeux. Cela ne pouvait durer. Tu ne pouvais éviter, même en me caressant de la main la plus bienveillante, de découvrir en moi des singularités qui relevaient de la forêt, de cette origine, de cette véritable patrie. Il a fallu te donner, fallu te répéter ces explications sur la peur qui me torturait, toi aussi, mais injustement, comme si j'avais les nerfs à nu. J'ai senti quelle plaie répugnante je représentais dans ta vie et quel obstacle universel. Cette obsession n'a cessé de grandir. Je me suis souvenu de ce que j'étais. Je n'ai plus lu d'illusion dans tes yeux. J'ai eu peur, comme dans les rêves où l'on craint de se conduire en propriétaire dans un endroit où l'on se trouve en intrus. Cette peur, je l'ai éprouvée dans la réalité. J'ai dû retourner à mes ténèbres. Je ne supportais pas le soleil. J'étais désespéré comme une bête égarée. Je me suis mis à courir aussi vite que je pouvais, obsédé par l'idée si je pouvais l'emporter. Et par celle qui s'y oppose, peut-il faire noir où elle se trouve ? Tu me demandes comment je vis ? Voilà comment. Édouard Goldstücker. Il y avait deux sortes d'antisémitisme à Prague. L'un tchèque, l'autre allemand. En ce qui concerne l'antisémitisme tchèque, les Tchèques avaient perdu au XVIIe siècle les couches dominantes de la société de ce temps-là, c'est-à-dire l'aristocratie et la bourgeoisie. Et la nation tchèque renaissant, s'émancipant, devait recréer ces couches de la société nationale, de la pyramide nationale qui n'existait pas. C'est-à-dire, les Tchèques devaient recréer une bourgeoisie nationale. Mais en essayant de le faire, ils ont rencontré les Juifs qui déjà occupaient des positions dans l'économie, positions de petite bourgeoisie, les commerçants et tout ça. Et au-delà de ça, les Juifs étaient déjà dans l'envergure de la langue et la culture allemande. C'était la source de l'antisémitisme tchèque. En ce qui concerne l'antisémitisme allemand, les Allemands avaient besoin des Juifs à Prague pour élargir leur possibilité d'être élus à la représentation communale de Prague, pour les voix des Juifs, parce que les Juifs étaient mis au même niveau de citoyenneté comme les autres, comme les non-Juifs, et ils avaient le droit de vote. À peu près au temps de la naissance de Kafka, un nouveau antisémitisme est né en Allemagne, en Autriche, l'antisémitisme raciste. Parce que l'antisémitisme avant ça était religieux, n'est-ce pas ? L'antisémitisme raciste. Et les universités, il y a deux universités allemandes à Prague, l'université Charles et l'université technique, était depuis les années 90 le centre de cet antisémitisme raciste. Et Kafka était étudiant à cette université, il en savait, mais il n'a pas eu l'expérience immédiate de cet antisémitisme. Oui, en revanche, il aura l'expérience de toute l'idéologie sioniste qui va progressivement arriver et avoir une tentation d'une espèce de terre promise, d'un lieu qui serait la Palestine et auquel il renonce. Mais non. Vous savez, en ce qui concerne Kafka et les idéologies, Kafka n'est pas un homme qui peut être réduit sous le toit de n'importe quel isme de son temps. Au XVIe siècle, quand Erasme de Rotterdam ne voulait pas faire partie du camp luthérien ou anti-luthérien, on l'appelait homo per se. Et Kafka est un exemple de ce homo per se qui essayait de connaître toutes les idéologies, mais ne pouvait pas accepter pleinement aucune d'elles. Sa position est liée avec son attitude au judaïsme. J'ai dit qu'il a ce sentiment qu'il pourrait peut-être être accepté comme un invité, si nécessaire, dans la communauté du judaïsme vivant, comme il le voyait dans ce théâtre. Yiddish théâtre, mais de là, il essayait toujours, et c'est la base vraiment de son œuvre et de son influence, il essayait de retracer ou recréer la connexion perdue entre lui et la tradition vivante de la communauté humaine. Et pour lui, la seule communauté humaine, il vivait si isolé, c'était la communauté juive. Il essayait de recréer de nouveau la connexion vivante avec l'esprit de la communauté vivante. De là, il se développait chez lui la notion de la loi perdue, la loi qu'on doit chercher. Et de là, c'est le point où Kafka est une influence universelle, parce que toute l'humanité moderne vit dans la conscience ou le sentiment que nous avons perdu quelque chose qui était très important au passé, qui donnait la possibilité à nos ancêtres de vivre une vie pleine, d'être des personnalités non divisées, et que nous devons essayer de réinventer ou retrouver cette loi perdue. Devant la porte de la loi se tient un gardien. Ce gardien voit arriver un homme de la campagne qui sollicite accès à la loi. Mais le gardien dit qu'il ne peut le laisser entrer maintenant. L'homme réfléchit, puis demande si, alors, il pourra entrer plus tard. « C'est possible, dit le gardien, mais pas maintenant. » Comme la grande porte de la loi est ouverte, comme toujours, et que le gardien s'écarte, l'homme se penche pour regarder à l'intérieur. Quand le gardien s'en aperçoit, il rit et dit « Si tu es tellement attiré, essaie donc d'entrer en dépit de mon interdiction. Mais sache que je suis puissant, et je ne suis que le dernier des gardiens. De salle en salle, il y a des gardiens de plus en plus puissants. La vue du troisième est déjà insupportable, même pour moi. » L'homme de la campagne ne s'attendait pas à de telles difficultés. Le judaïsme comprend trois grands livres. La Bible, que l'on appelle l'Ancien Testament, le Talmud, qui en est le commentaire, et la Kabbale, qui en est le commentaire ésotérique. Le mot Kabbale lui-même ne désigne pas un livre précis, mais un genre, une sorte de courant qui se caractérise par la capacité d'accueil et de recueillement, étant donné que le mot Kabbalah en hébreu ne veut pas dire tradition, comme on le dit souvent, mais acceptation, réception. Joël Ashkenazi. On distingue dans le commentaire de l'écriture que constitue la Kabbale quatre niveaux. Le sens simple, le sens éthique et historique, le sens allusif et le sens secret ou mystique. Il semble que Kafka ait eu accès à cette quadruple position vis-à-vis du texte, puisqu'il met l'accent sur l'allusion et non pas sur l'allégorie, et surtout, il met l'accent sur le fait que le sens dernier est tellement secret qu'il en arrive à être inaccessible. D'où l'œuvre inachevée de Kafka, de la Kabbale d'abord, et ensuite de Kafka, qui donne à son œuvre une dimension qu'on pourrait appeler à la fois cosmique et spirituelle, lorsqu'il dit par exemple « l'écriture est une prière », et ce qui donne à Kafka une dimension... La loi est pourtant censée être accessible à tous, à tout moment, pense-t-il. Mais en examinant de plus en plus près le gardien dans sa pelisse, avec son grand nez pointu, sa longue barbe de tartare maigre et noire, il se résout à attendre tout de même qu'on lui donne la permission d'entrer. Le gardien lui donne un tabouret et le fait asseoir à côté de la porte. Il y reste des jours, des années. Il fait de nombreuses tentatives pour être admis et fatigue le gardien par ses prières. Le gardien lui fait fréquemment subir de petits interrogatoires, lui pose toutes sortes de questions sur son pays et sur bien d'autres choses. Mais ce sont des questions posées avec indifférence, comme le font les gens importants. Et conclut à chaque fois en disant qu'il ne peut toujours pas le laisser entrer. L'homme, qui s'est muni de beaucoup de choses pour ce voyage, les utilise toutes, si précieuses soient-elles, pour soudoyer le gardien. Celui-ci accepte bien tout, mais en disant « J'accepte uniquement pour que tu sois sûr de ne rien avoir négligé. » Il y a dans le château toute une atmosphère d'irréalité anonyme où chacun a l'impression de parler à personne, où les objets ont l'air absolument sans objet et où finalement Kafka se trouve perdu. Et donc c'est cet anonymat qui est à la base de l'échec de Kafka qui cherche sans arrêt comment aboutir. Dans toute la tradition juive, on pense le texte biblique comme un ensemble de chambres ou de palais qui ouvrent sur des portes qui elles-mêmes se referment aussitôt ouvertes. C'est-à-dire, on cherche la clé du sens, on avance au fur et à mesure, mais au fur et à mesure que l'on a trouvé la solution, surgit une nouvelle question dont on n'a pas la clé. Pendant toutes ces années, l'homme observe le gardien, presque sans interruption. Il oublie les autres gardiens, et ce premier gardien lui semble être l'unique obstacle qui l'empêche d'accéder jusqu'à la loi. Il maudit le hasard malheureux, à voix haute et sans retenue les premières années. Par la suite, avec l'âge, il ne fait plus que grommeler dans son coin. Il retombe en enfance. Étudiant le gardien depuis des années, il connaît même les puces de son col de fourrure et il supplie jusqu'à ses puces de l'aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue baisse et il ne sait pas s'il fait réellement plus sombre autour de lui ou bien si ce sont seulement ses yeux qui le trompent. Mais il distingue bien dans l'obscurité une lueur que rien n'éteint et qui passe par la porte de la loi. Alors il n'a plus longtemps à vivre. Grâce à sa volonté d'écrire, Kafka veut réussir à briser cette absence de communication, sinon sur le plan du vécu, du moins sur le plan de l'écriture. C'est-à-dire que dans la Kabbale et dans le judaïsme, le nom divin est imprononçable et est ineffable, on peut tout atteindre sauf le nom de Dieu. Et justement, ce silence de la révélation, depuis que les prophètes bibliques ont disparu, est exprimé par le terme qui désigne Dieu, non pas de par un nom propre, mais par une négation, l'infini, c'est-à-dire ce qui n'est pas fini. Il y a donc ici, dans cet infini, une obscurité qui tient au fait que Dieu ayant parlé, il n'y a plus rien à dire, et donc c'est à l'homme de parler. L'homme ne peut parler que dans le silence de Dieu, et Dieu ne peut parler que dans le silence de l'homme. Kafka se situe à la fois en deçà de la séparation et au-delà de la séparation parce qu'il peut vivre la séparation. C'est parce qu'il vit existentiellement la séparation qu'il peut se situer à la fois en deçà, dans une sorte d'anonymat, et au-delà lorsqu'il affirme qu'il a toujours recherché le sol, l'air et la loi. Avant qu'il meure, toute l'expérience de tout ce temps passé afflue dans sa tête et prend la forme d'une question que jamais jusque-là il n'a posée au gardien. Il lui fait signe d'approcher, car il ne peut plus redresser son corps, de plus en plus engourdi. Le gardien doit se pencher de haut, car la différence de taille entre eux s'est accentuée nettement au détriment de l'homme. « Qu'est-ce que tu veux encore savoir ?» dit le gardien, « tu es insatiable. » « N'est-ce pas ?» dit l'homme, « tout le monde voudrait tant approcher la loi. » Comment se fait-il qu'au cours de toutes ces années, il n'y ait eu que moi qui demande à entrer ? Le gardien se rend compte alors que c'est la fin et pour frapper encore son oreille affaiblie, il hurle « Personne d'autre n'avait le droit d'entrer par ici, car cette porte t'était destinée à toi seul. Maintenant je pars et je vais la fermer. » les deux thèmes essentiels de la Kabbale, ce sont l'exil et la souffrance. Bien loin de voir dans la souffrance quelque chose de rédempteur, par exemple dans le christianisme, dans le judaïsme, la souffrance n'est pas quelque chose qui nous sauve. Et la souffrance, il l'a envisagée comme ce qui pouvait l'inciter à pousser son exigence le plus loin possible. Et qui pouvait lui permettre, tout en reconnaissant à chaque fois qu'il est en plein échec, de nous montrer qu'en réalité, il réussit ce qu'il appelle l'échec. Et le mérite de Kafka, c'est d'avoir voulu assumer la contradiction, bien qu'il n'ait pas pu la dépasser. Assumer cette contradiction, c'est se situer à une sorte de crête, à une sorte de sommet qui rend compte de toute la souffrance de la solitude de Kafka. Car il n'a pas voulu choisir entre un judaïsme religieux qui serait enfermé dans un ghetto et une assimilation complète qui dénaturerait son identité. Le grand drame de Kafka, c'est de se sentir coupable d'être innocent. La cage frappa l'attention d'un inspecteur qui faisait sa tournée et il demanda aux employés pourquoi on laissait au rancard, rempli de paille moisie, cette cage, si utilisable. Personne ne le sut, sauf un, qui finit par se souvenir de l'artiste. On remua la paille à la fourche et on y trouva le jeûneur. « Tu jeûnes toujours ?» demanda l'inspecteur. « Quand cesseras-tu donc enfin ?»« Pardonnez-moi tous, » souffla le jeûneur. Seul l'inspecteur, qui tenait l'oreille contre la grille, le comprit. « Bien sûr, » dit l'inspecteur, en portant le doigt à son front pour indiquer au personnel l'état dans lequel se trouvait le jeûneur. « Bien sûr, nous te pardonnons. » « Je voulais toujours vous faire admirer mon jeûne, » dit le jeûneur. « Nous l'admirons, » dit l'inspecteur, affable. « Vous ne devriez pourtant pas l'admirer, » dit le jeûneur. « Eh bien, soit nous ne l'admirons pas, » dit l'inspecteur. « Et pourquoi ne devons-nous donc pas l'admirer ?»« Parce que je suis obligé de jeûner, je ne saurais faire autrement, » dit le jeûneur. « Voyez-moi ça, » dit l'inspecteur. « Pourquoi ne peux-tu faire autrement ?» « Parce que, » répondit le jeûneur, en relevant un peu sa tête minuscule et en parlant avec la bouche en haut comme pour donner un baiser dans l'oreille de l'inspecteur afin que rien ne se perdît, « parce que je ne peux pas trouver d'aliment qui me plaise. Si j'en avais trouvé un, crois-moi, je n'aurais pas fait de façon et je me serais rempli le ventre comme toi et tous les autres. » Ce furent là ses derniers mots. Mais dans ses yeux mourants brillait la conviction, ferme encore, malgré sa fierté disparue, qu'il continuait à jeûner. « Allons, rangez tout ça maintenant, » ordonna l'inspecteur. Et on enterra le jeûneur en même temps que la paille. Quant à la cage, on y logea une jeune panthère. Ce fut, même pour les plus stupides, un sensible soulagement de voir ce féroce animal se démener dans cette cage si longtemps déserte. La bête, elle, ne manqua de rien. La nourriture lui plaisait, et les gardiens la lui portaient sans barguigner. Elle ne semblait même pas regretter sa liberté. Ce noble corps, gavé de tout, jusqu'à la limite précise où il eût risqué d'éclater, semblait d'ailleurs porter la liberté en soi. Elle devait s'être logée dans quelque coin de sa mâchoire, et la joie de vivre jaillissait du fond de sa gueule avec une flamme si violente qu'il n'était pas facile au spectateur de lui tenir tête. Mais il se maîtrisait, se pressait autour de la cage, et ne voulait pas bouger d'un pas. Marthe Robert. La littérature le tient, comme il dit, depuis toujours. Il l'a, dit-il dans une lettre de Genèse, il l'a depuis longtemps sur le dos, n'est-ce pas ? Et son dos en est courbé. C'est vraiment son destin, sa fatalité, la littérature. Il ne veut pas y échapper, encore qu'il ait mis assez de temps à se développer. Mais à partir du moment où elle est devenue véritablement ce qu'il savait devoir être son destin, sa raison d'être, il en a fait une véritable religion, on peut le dire. Si le judaïsme lui échappait, en revanche, il a remplacé la foi par la foi en la littérature. La littérature est devenue sa raison de vivre. Il a vraiment cru pouvoir se sauver, et puis il en a douté de plus en plus, c'est vrai. C'est vrai, parce que, pour une raison pratique, déjà, parce qu'il arrivait rarement à achever une œuvre. Les trois grands romans sur lesquels il avait beaucoup misé, naturellement, il n'a pas pu les achever. Il faut dire qu'il attendait de lui une telle perfection qu'il lui était donné rarement de l'atteindre. Il l'a atteinte dans tous les recueils qu'il a publiés lui-même de son vivant. N'est-ce pas, le médecin de campagne, la colonie pénitentiaire, la métamorphose, un champion de jeûne, description d'un combat. Description dont il a publié seulement deux récits. N'est-ce pas, le reste est resté aussi inachevé. Il a publié très très peu. Et il répugnait à publier parce que, disait-il, le seul fait de publier le gênait dans son travail. Tout à l'heure, vous disiez que il y avait en même temps un sacerdoce total, bien sûr, un doute, et un doute aussi dû non pas seulement à cause de son travail, mais aussi à cause de la langue, la position qu'il a vis-à-vis de la langue, c'est-à-dire qu'il a aussi l'impression que la langue, cette langue ne lui appartient pas et qu'il usurpe une langue qui n'est pas à lui. Oui, ça, en cela, Kafka, je crois, est tout à fait unique dans ce milieu, parce que les Juifs allemands n'éprouvaient aucun scrupule à utiliser ce qu'ils considéraient comme leur langue maternelle. Ils n'en avaient pas d'autre, n'est-ce pas? Ils n'avaient absolument aucun autre instrument d'expression. Et pour Kafka, étant donné la rigueur avec laquelle il se traitait lui-même, étant donné les exigences spirituelles qu'il avait, il considérait qu'il avait, au fond, volé la langue allemande. Il y a cette fameuse lettre qu'il a écrite à Max Brod sur les écrivains de langue allemande qui avaient volé l'enfant allemand au berceau. Mais ça a été une des grandes chances de son art, parce que, ayant conscience d'utiliser d'un instrument qui n'était pas à lui, et bien décidé à ne pas y toucher, si j'ose dire, il s'est servi d'un allemand neutre, d'une prose qui, au fond, était l'équivalent à peu près de l'allemand de chancellerie qu'on employait dans les bureaux de l'ancienne monarchie. Et c'est ça qui donne à son œuvre, parce que c'est traversé quand même de grands moments lyriques, mais sans aucune invention verbale, sans aucun néologisme, sans aucun archaïsme, sans rien qui puisse marquer la patte d'un écrivain qui s'empare de quelque chose. Kafka ne s'est pas emparé de l'allemand. Il a voulu le laisser tel qu'il l'avait trouvé. Il y a aussi, d'ailleurs, là-dedans, une satire, une ironie. Parce que, sachant qu'il n'avait d'allemand et d'autrichien que ses papiers d'état civil, il décide, au fond, de se servir de ses papiers d'état civil pour faire sa prose elle-même, n'est-ce pas? Comme s'il avait voulu dire, eh bien, je ne suis autrichien ou allemand que sur le papier, eh bien, sur le papier, j'emploierai le langage qu'on emploie pour me donner ma carte d'identité. Ergeben dem Herrn, aber mit einem bösen Seitenblick auf K, musste nun doch im Pelz heruntersteigen und begann, sehr zögernd, so als erwarte er nichts, nicht vom Herrn einen Gegenbefehl, aber von K. eine Sinnesänderung, die Pferde mit dem Schlitten le cocher, rückwärts docile aux ordres de son maître, dut alors descendre malgré sa fourrure. Mais il jeta sur K. un regard de rancune et commença avec mille hésitations, comme s'il se fût attendu non point à un contre-ordre du maître, mais un changement d'avis de K, à faire reculer les chevaux vers l'aile du bâtiment dans laquelle devait se trouver l'écurie et la remise des voitures. K resta seul. D'un côté, le traîneau partait, de l'autre, par le même chemin que K avait pris pour venir, le jeune monsieur s'en allait, tous deux très lentement, il est vrai, comme pour montrer à K qu'il avait encore le pouvoir de les faire revenir. Et peut-être avait-il en effet ce pouvoir, mais il ne lui eût servi à rien. Rappeler le traîneau eût été se chasser soi-même. Il resta donc muet, seul maître de la place, mais c'était une victoire sans joie. Il suivait des yeux tour à tour le monsieur et le cocher. Le monsieur avait déjà atteint la porte par laquelle K était entré dans la cour. Il regarda une dernière fois en arrière, K. crut lui voir hocher la tête devant une telle obstination, puis le monsieur se retourna d'un geste brusque et définitif et pénétra dans le vestibule où il disparut aussitôt. Le cocher resta plus longtemps. Le traîneau lui donnait beaucoup de peine. Il dut ouvrir la lourde porte de la remise, le faire entrer à sa place à reculons, dételer les chevaux et les mener au râtelier. Il fit tout cela gravement, l'air absorbé, sans nul espoir de repartir. Ce muet trafic, qui n'accompagna d'aucun regard du côté de K, fit à celui-ci l'effet d'un reproche beaucoup plus dur que l'attitude du monsieur. Et quand enfin son travail terminé, le cocher traversa la cour de son pas lent et balancé, ferma le grand portail, revint, tout cela toujours lentement et sans regarder autre chose que la trace de ses propres pas dans la neige, puis s'enferma dans l'écurie, la lumière s'éteignit. Pour qui fut-elle demeurée ? Il ne resta plus de brillant que la fente de la galerie de bois qui retenait un peu le regard au passage. Alors K éprouva l'impression qu'on avait coupé avec lui toute liaison. Il n'était maintenant que trop libre. Il pouvait attendre à l'endroit interdit aussi longtemps qu'il le voudrait. Il s'était conquis cette liberté comme nul autre ne l'aurait su, et personne n'avait le droit de le toucher, ni de le chasser, ni même de l'interpeller, mais, et cette conviction était au moins aussi forte que l'autre, rien n'était non plus si dépourvu de sens, ni si désespéré que cette liberté, cette attente et cette intangibilité. Il a toujours considéré que sa vie était ratée parce qu'il avait, et c'est ça qui le torturait aussi énormément, il avait le désir profond d'être un homme comme tout le monde, ayant une famille, une femme, des enfants, un travail qui lui permette de gagner sa vie, manuel de préférence, et ça, la littérature y faisait obstacle, justement. Alors, cet idéal de vie qu'il aurait voulu atteindre était constamment contrecarré par cette vocation qu'il sentait, et qu'il sentait irrésistible. Il écrit dans une lettre de jeunesse à son ami Oscar Pollack, « Dieu ne veut pas que j'écrive, mais moi, je dois. » Il avait 18 ans à cette époque-là. Et c'est ça, a été comme ça toute sa vie. Il y avait donc un conflit, et fut un conflit qu'il a tranché, enfin, on ne peut pas dire qu'il est tranché, mais qui s'exprimait sous forme de dilemme. On peut dire que pour Kafka, c'était écrire ou vivre, c'est-à-dire écrire sans vivre ou vivre sans écrire. Il ne concevait pas que les deux fussent possibles. N'est-ce pas ? Ça, c'est absolument capital, et c'est ce qui a fait son malheur. Connais-tu l'histoire de Casanova quand il s'évade des plombs de Venise ? Oui, tu la connais. Il y esquisse un tableau de la vie de Cachot au fond des culs de Basse-Fosse, dans le noir et l'humidité, au niveau des lagunes. On croupit sur une planche, l'eau arrive presque à la hauteur de cette planche et monte encore avec la marée. Mais le pire, ce sont les rats d'eau, féroces. On les entend piauler, ils tiraillent, ils déchirent, ils rongent. On leur dispute le pain, je crois. Et surtout, ils attendent. Ils attendent avec impatience qu'on tombe de la planche à bout de force. Voilà le genre de tes histoires. Effrayantes, inconcevables et surtout à la fois aussi proches et aussi lointaines que l'est à l'homme son passé. On croupit en haut sur la planche, ce qui ne donne pas au dos une ligne bien gracieuse. Les pieds 100 kilos également, on a peur et pourtant on n'a rien d'autre à faire que de regarder les gros rats noirs. Il vous crève les yeux au milieu de la nuit et finalement, on ne sait plus si on est en haut ou en bas. On piaule comme eux et on ouvre une grande bouche avec les dents qui se voient au fond. Allons, allons, ne raconte pas de pareilles histoires, à quoi rime-t-elle ? Allons, allons, je te pardonnerai ces bestioles à une seule condition, que tu les chasses de chez toi. Il écrivait donc la nuit. Il a souvent dit que s'il n'avait pas été insomniaque, il n'aurait jamais écrit. Mais il ne pouvait pas dormir, et pour rien au monde, bien entendu, il n'aurait pris un somnifère. Rien que l'idée de prendre un Véronal le mettait hors de lui, car à ce moment-là, on prenait du Véronal. Ça fait partie, justement, des particularités de sa conduite, de la conduite de sa vie, n'est-ce pas ? Il refusait la médecine officielle. Ça a joué un rôle malheureusement décisif dans l'évolution de sa maladie. Quand il a contracté, en 1917, quand il a contracté une tuberculose, il n'a pas voulu se faire soigner. Mais on peut dire justement que cette difficulté d'être, cette aggravation par la littérature, qui en même temps le fait vivre, en même temps le fait mourir, a sa plus grande figure dans la tuberculose. Au fond, la tuberculose, c'est le signe extérieur de ce conflit. La tuberculose, Kafka lui-même l'a comprise comme un symptôme et pas comme une maladie, comme un symptôme de sa maladie spirituelle. Elle s'est d'ailleurs déclarée au bout des 5 ans de fiançailles avec Felice Bauer, qui ont été dans l'ensemble un véritable supplice, n'est-ce pas ? C'était 5 ans de terreur, 5 ans de peur, la peur de se marier, la peur de ne pas se marier, la peur de rester seule. Alors, au bout de 5 ans de combat, d'un combat intérieur épouvantable, il est tombé malade, mais il y avait d'autres raisons, n'est-ce pas ? Bien sûr, il avait des pratiques alimentaires qui n'étaient pas faites non plus pour le maintenir en très bonne santé. C'est pas cette espèce d'anorexie qu'il a eue toute sa vie et qui, là aussi, qu'il cultivait en pratiquant systématiquement le jeûne à certaines époques. Il jeûnait, pensant probablement, comme on le fait dans beaucoup de religions, que le jeûne fortifie les forces spirituelles. Alors, finalement, en 1917, c'est la tuberculose qui a tranché. Quelquefois, les enfants nous apportent des chats. Une fois, ils ont même apporté 2 agneaux. Mais contrairement à leur attente, ces rencontres n'ont provoqué aucune scène de reconnaissance. Les bêtes se sont considérées de leurs yeux de bêtes avec le plus grand calme. Elles ont pris réciproquement leur existence comme une donnée de la création. Il utilise la forme de la fable comme il utilise dans quantité de récits la chronique, l'épopée, la légende, le mythe. Il utilise à peu près toutes les formes classiques que l'on peut trouver dans l'histoire de la littérature. Kafka les a utilisées et c'est ce qui donne à ces récits leur ton, justement, à la fois fantastique, parce que le contenu n'a rien de classique, bien entendu, mais la forme l'est. Et c'est ce qui fait son originalité parmi tous les écrivains de son époque, qui étaient tous plus ou moins sous la coupe de l'expressionnisme, n'est-ce pas ? Alors que Kafka s'en est très tôt détaché pour prendre justement cette manière, c'est ce que j'appellerais la suprême ironie de l'auteur contemporain, qui pour dire le jamais dit, le jamais vu, le jamais su, si vous voulez, emploie les formes les plus banales qui soient. En tout cas comme cadre formel. C'est à mon avis ce qui fait sa modernité. Et en effet, la forme de la fable lui donne des possibilités infinies pour exploiter des sujets, un sujet plus exactement qui lui tient particulièrement au cœur, c'est cette espèce de déracinement, d'impossibilité de savoir qui il est, cette division qu'il sent en lui, cette scission intérieure, et qui fait qu'il ne sait jamais où il est, ni qui il est, à quel monde il appartient, s'il est juif, ou s'il est allemand, s'il est pragois, ou s'il est un écrivain, ou s'il est un amateur. Kafka avait horreur du dilettantisme, et le fait qu'il ne consacrait pas toute sa vie à la littérature lui donnait la crainte d'être un dilettante, n'est-ce pas, ce qui était pour lui la pire chose imaginable, être un dilettante dans son art. Il y a en particulier un texte admirable qui a été publié par lui d'ailleurs, qui s'appelle Un croisement. C'est un des textes les plus bouleversants qui soit. Il s'agit d'une bête qui est mi-chat, mi-agneau, et qui a encore quelque chose du chien. Et cette bête est si malheureuse, elle n'appartient à aucun ordre, n'est-ce pas ? Son maître ne sait pas quoi en faire, elle n'appartient à aucune espèce, elle n'a aucun congénère, personne ne lui ressemble. Le maître l'a reçu en héritage, bien entendu, ça c'est transparent, n'est-ce pas ? C'est ce que Kafka a reçu de ses ancêtres, cette impossibilité d'être quelque part et d'être un. La fatalité d'être double ou même triple. Et cet héritage, donc, le mieux qu'il pourrait lui arriver, c'est d'être livré au couteau du boucher. Sur mes genoux, la petite bête ignore la peur et l'agressivité. C'est contre moi, collée à moi, qu'elle se sent le mieux. Elle éprouve de l'attachement pour la famille qui l'a élevée. Ce n'est pas la fidélité extraordinaire, mais sur instinct d'un animal qui, tout en possédant une nombreuse parenté, n'a peut-être pas un seul compagnon dans le monde et considère par conséquent comme sacrée la protection qu'elle a trouvée chez nous. Je ne puis m'empêcher de rire quand je la vois qui flaire le bas de mon pantalon. Elle se tortille pour passer entre mes jambes et ne peut s'arracher à moi. Non contente d'être agneau et chat, on dirait qu'elle veut être chien. Un jour que je ne pouvais résoudre mes difficultés commerciales et les problèmes qui en dépendent, comme la chose arrive à chacun, et voulant tout laisser aller, me balancer à la maison dans mon fauteuil avec la petite bête sur mes genoux, je vis, en abaissant la tête, des larmes qui coulaient de son immense moustache. Était-ce les miennes? Était-ce les siennes? Ce chat, qui avait une âme d'agneau, possédait-il aussi une ambition humaine? Je n'ai pas hérité beaucoup de choses de mon père. Mais celle-ci, je puis la montrer. Ma bête réunit deux sortes d'inquiétudes, celle du chat et celle de l'agneau, si différentes qu'elles soient. Aussi se trouve-t-elle à l'étroit dans sa peau. Elle saute parfois à mes côtés sur une chaise, pose ses pattes de devant sur mon épaule et me colle son museau à l'oreille. On dirait qu'elle me parle, et de fait, après ce geste, elle se penche en avant et observe mes yeux, comme pour lire l'impression que sa communication a produite sur moi. Et moi, pour lui faire plaisir, je fais semblant d'avoir compris et j'opine en branlant la tête. Alors elle saute à terre et danse autour de moi. Peut-être le couteau du boucher lui serait-il une délivrance. Mais je dois l'en priver. N'est-elle pas un héritage? Il faudra donc qu'elle attende le jour où elle s'éteindra d'elle-même, bien qu'elle me regarde parfois avec des yeux humains, des yeux intelligents, qui implorent un acte raisonnable. Franz Kafka, L'assaut immobile. Une émission de Marie-Christine Navarro. En ce qui concerne la réception de Kafka parmi les Tchèques, c'était, comme vous dites, Milena Jesenská qui traduisait pendant les dernières années de la vie de Kafka quelques petits textes. Il a consenti. Après sa mort, Kafka a été redécouvert en Bohême parmi les Tchèques par les catholiques, deux éditeurs provinciaux catholiques ont publié des petits textes de Kafka dans les éditions bibliophiles. Le plus long était la Métamorphose. C'était dans la seconde moitié des années 20. Et ensuite? Ensuite, il n'y avait rien. Un petit incident très intéressant, très symbolique. En 1935, la première traduction du Château de Kafka est parue à Prague, dans une petite édition très jolie. C'était l'association la plus importante des artistes qu'il a publiée. Elle n'était pas vendue. En 1939, quand les Hitlériens occupaient Prague, ils trouvaient les restes de cette publication et il est anéanti en 1939. Et après, pendant la guerre, pendant l'occupation nazie, Kafka a commencé à exercer une grande influence sur des petits groupes des artistes en Tchécoslovaquie. Et aujourd'hui, à nouveau, on ne le trouve pas beaucoup. Aujourd'hui, il ne le trouve pas en public, mais il a été réétabli en 1963 et personne ne peut le faire disparaître de la conscience de la nation. Et qu'est-ce que vous pensez de la façon dont, à la même époque parallèlement, enfin je parle des années 20, il a été découvert en France successivement, je vous dois dire, lu à travers des grilles intellectuelles? Oui, je vois trois vagues de la réception de Kafka en France. La première, c'était sous les signes du surréalisme. Vous savez que André Breton a découvert Kafka et l'a publié dans son anthologie célèbre de l'humour noir en 1930. Et les surréalistes considéraient Kafka comme un précurseur de leur mouvement. Puis, après la guerre, ou pendant la guerre, c'était les existentialistes qui considérait Kafka comme un penseur existentialiste. Il n'était pas, comme nous l'avons indiqué. Et depuis les années 60, il y a en France une vague qui essaie de présenter Kafka sans préjudice idéologique. De présenter Kafka comme il était, si c'est possible. Édouard Gochtucker, Ivo Fleischmann, Marthe Robert, Joël Ashkenazi. Texte de Franz Kafka, lu par Jean-Claude G. et Michel Fleischmann. Bruitage de Greg Burso et les hamsters Mona Lisa. Équipe de réalisation, Simone Ronget, Vincent Deck et Claude Giovanetti. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 mars 1987. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.